D'après des informations, l'indignation des milieux sud-coréens et des compatriotes coréens d'outre-mer contre le gouvernement de Bakounine, qui a conclu de force l'accord sur la protection des renseignements militaires avec le Japon, s'accroît de plus en plus. Le 23 courant, des formations civiles et sociales comme l'Action populaire extraordinaire pour la démission du pouvoir de Bakounine ont tenu une conférence de presse devant le siège du ministère de la Défense pour condamner la démarche de la bande traîtresse de Bakounine, alors que les étudiants relevant du comité de mesure des étudiants pour l'annulation de l'accord sud-coréen-japonais sur les femmes de réconfort au service de l'armée japonaise ont critiqué la traîtrise de la bande de Bakounine devant le siège du ministère de la Défense. Le même jour, le journal d'internet sud-coréen Prisian a présenté un article titré « Bakounine introduit à tout prix le corps d'autodéfense du Japon dans la péninsule coréenne ». Des personnalités du milieu politique comme le délégué du Parti démocrate de Buro, Soo Yong-gyo, député à la Commission de la Défense nationale du Parlement, Chung Dong-yong, député à l'issue du Parti du Peuple, ont critiqué la traîtrise servile à l'égard des grandes puissances de la bande de Bakounine. La direction européenne de la direction d'outre-mer de l'Alliance pan-nationale pour la réunification de la patrie et le Conseil de coopération des Coréens en Allemagne ont souligné à travers leur déclaration que l'abolition immédiate de l'accord sur la protection des renseignements militaires avec le Japon est un ordre sévère de notre nation.